Le petit Nicolas est allé au G8 montrer aux autres chefs d'État qu'il avait aussi une bite. Il était tout excité comme au premier jour de classe. Il était tout énervé, ça se voyait sur sa face. Nicolas, si tu ne tiens pas, arrête tout et bois du Coca-Cola. Il voulait voir Poutine lui dire des trucs ça et là, mais les Russes eux ils turbinent, surtout avec l'avocat. Ils discutèrent durant des heures, ne voyaient pas le temps passer. Vladimir imperturbable voyait Nicolas sombrer.